parce que y'a pas de temps. Moi, quand m'était comme ma prière, la divinité. Pour y'a compter, moi, bon, t'es grâce pour toute la journée. Parce que yo content, moi quand m'était comme à payer la divinité. Pour y accorder moi compter droit pour toute la journée. C'est le bagaille qui a fait moi plaisir, c'est le moins un bon qui chérie. C'est au seul qui tout refuse moi, c'est un bon seul moi le mourir. C'est le bagaille qui a fait moi plaisir, c'est le moins un bon qui chérie. C'est au seul qui tout refuse moi, c'est un bon seul moi le mourir. C'est les moyens en bon qui chérie. C'est où celle qui tout refuse moi. C'est en bon seul moi le mourir. C'est le bagaille qui a fait moi plaisir. C'est les moyens en bon qui chérie. C'est où celle qui tout refuse moi. C'est en bon seul moi le mourir. J'aime moi, chaud. Jésus, c'est le moins en bord qui j'ai vu. C'est au seul qui est autrefois fut moi, c'est en bord seul moi le mourir. C'est le bagaille qui a fait moi plaisir, c'est le moins en bord qui j'ai vu. C'est au seul qui est autrefois fut moi, c'est en bord seul moi le mourir.